Je ne vais pas vous raconter un livre qui est un travail que j'ai fait parce que je m'ennuyais, qu'on m'avait demandé. Donc, tous les soirs, je faisais un chapitre voilà, pour m'occuper. J'avais écrit aussi, quelques années avant, une sorte d'autobiographie intellectuelle, mais extrêmement peu intimiste. Je suis un peu résistant à ce genre d'affaires. Et je vous dirai pourquoi. Parce que je crois que c'est le présent qui explique le passé et pas l'inverse. Et qu'on est dans des processus de justification qui n'en finissent pas. En particulier, moi, je vais le dire une fois pour toutes, parce que ça m'horripile, je suis d'origine modeste. Je n'en tire aucune fierté. J'ai fait des études techniques et professionnelles, je n'en tire aucune fierté. Tous les gens qui m'ont reproché de ne pas être assez radical et à gauche à mes enquêtes sont tous des bourgeois. Tous. Tous. On a des retournements nietzschéens de la mauvaise conscience qui me sont extrêmement pénibles parfois. Si on avait dit à mon père qu'il appartenait à une classe faiblement dotée en capital culturel, il aurait filé deux claques et il aurait eu raison. À celui qui parlait comme ça, il appartenait à la classe des producteurs de richesse. Donc je veux dire que méfions-nous énormément, c'est bien d'être dans ce retour subjectif, mais c'est une capacité de raconter des blagues à des niveaux extrêmement élaborés. Je ferai carrément du people pour dire toutes les anecdotes que je connais là-dessus. Vous avez des... Bon, ça n'explique pas grand-chose quand on y réfléchit. Ou en tout cas, les modes d'explication sont certainement nettement plus compliqués qu'on le suppose dans les rapports que nous avons à nos objets. Et je ne suis même pas certain qu'il soit parfaitement souhaitable de les connaître, car je considère que travailler, c'est quand même une forme de névrose un peu particulière, et que tant qu'elle est productive, la sagesse est de ne pas trop s'y intéresser. Voilà. Mais on raconte des blagues, je peux vous dire, on raconte des blagues rentrées dans la biographie des telle qu'on la connaît une fois que les chercheurs sont morts, est une découverte des histoires invraisemblables qu'ils ont racontées sur eux-mêmes. Type qui raconte, je suis fils de paysan, on va dans le village. Ah, non. C'était pas du tout un paysan pour le genre du village, c'était déjà un petit bourgeois. Mais on arrange l'affaire. Voilà. Donc, Ça n'a pas tant d'importance que ça. À commencer, et ça je suis en revanche complètement d'accord avec vous, par le texte de Max Weber. Le texte de Max Weber que je trouve... Au fond, la postérité de ce texte m'a toujours étonné. Quand j'ai été étudiant dans un climat très, très à gauche, je pensais évidemment que c'était un texte de droite pur et simple, écrit juste après la répression du spartakisme et... Voilà, et le type avait été terrorisé par le spartakisme et dit... Bon, d'une part, quand on avait lu la biographie de Weber, écrite par Mommsen, qui s'appelle Weber à la politique, ce type a passé sa vie, mais sa vie de manière obsessionnelle, mais tout à fait légitime, à faire de la politique. Il a été germano... il a été dans le parti pan-germaniste, il a été social-démocrate... Enfin, ça n'enlève rien à l'œuvre de Max Weber. Mais le type qui vous fait sur la fin de sa vie le coup, vous savez, la politique, il faut vraiment faire attention. Bon, quand même, on a... Bon, encore des blagues. J'ajoute que moi, j'ai une expérience personnelle qui est d'avoir fait une période... Oui, non, mais je veux dire, d'où l'intérêt d'être cultivé, tout simplement. Voilà, de savoir un peu de quoi on parle. Mais je suis totalement d'accord avec vous là-dessus. La troisième chose que je voulais dire, c'est sur le texte de Weber, et je raconte une expérience, parce que c'est quand même ça qu'on parle. Je me suis retrouvé à une époque dans un cabinet ministériel à faire ce qu'on fait beaucoup de sociologues. Hein. On est nombreux à être passés faire le rapport Bourdieu, le rapport Dubé, le rapport Bachat. Bon. Et ce que vous découvrez quand vous faites ça, c'est vous découvrez immédiatement. C'est que la connaissance et la politique sont deux sphères d'activité totalement étanches. Et moi, je n'en tire pas d'ailleurs du tout une conclusion du style anti-politique, les politiques feraient des choses vaguement sordides au lieu de se laisser éclairer par les lumières. Je crois tout simplement que la logique d'action, qui est celle du politique, est une logique qui n'est pas la logique d'action du savant. Alors, évidemment, il faut qu'on se parle. Mais il y a quelque chose qui est quasiment. Vous dites quel collège pourrais-je faire? C'était la question que je me posais pour qu'il soit un peu meilleur. Problème de savant, le politique dit comment je passe. Voilà, ce n'est pas du tout la même question. C'est comme si vous faisiez dialoguer des joueurs de belote et des joueurs d'échecs. Enfin, je veux dire. Voilà, donc le bouquin de Weber, c'est une très bonne chose que de ne pas en faire la Bible dont qu'il est et qui abreuve les étudiants de première année de sociologie auxquels je fais cours depuis 40 ans. Donc voilà, je crois qu'il vaut mieux là-dessus, je suis d'accord avec vous. Alors, sur la question de l'engagement, moi je la traiterai un peu différemment parce que je crois qu'elle se définit très. Elle se définit de manière très particulière selon les contextes historiques. Moi, j'ai une conception de l'engagement. Je préfère la notion d'engagement à la notion de rapport aux valeurs, etc. Parce que, au fond, je préfère la position de Sartre là-dessus, qu'on ne lit plus beaucoup d'ailleurs, c'est très étrange. Sartre qui a fait beaucoup de bêtises en termes d'engagement, par ailleurs, mais. Sartre, dans un livre que j'aimais bien, qui s'appelait « Qu'est-ce que la littérature ?», dit, au fond, la question de l'engagement est une question absurde parce qu'on est engagé de fait. Ceux qui n'iront pas voter dimanche voteront Sarko. Voilà. De fait. Ça, c'est pas, leur subjectivité n'a aucune importance dans l'affaire. Si vous ne votez pas pour l'un, vous votez pour l'autre. Voilà, c'est tout. C'est un enfant de 4 ans, enfin 6 ans, comprendrait ce raisonnement arithmétique extrêmement simple. Et votre subjectivité, d'une certaine manière, n'a pas d'importance, puisque de fait, vous êtes engagé. De fait, on y est engagé. Et la définition de l'engagement, évidemment, varie selon les périodes historiques. Et là, moi, j'appartiens à une période historique, c'est malheureux, ça me fait beaucoup de peine de le dire, dans laquelle la scène de l'engagement était, au fond, assez fortement définie. À la fois par une tradition optimiste de rapport à la science des Trente Glorieuses, alors je ne vais pas vous embêter avec ça, mais le plan, l'idée qu'il faut mobiliser les chercheurs pour qu'ils fassent de belles recherches, pour qu'on prenne des décisions intelligentes, etc., etc. C'était ça qui finançait la recherche à l'époque. L'effet 68, évidemment, qui est un effet très important, et ce qu'on a oublié, le rapport très compliqué au Parti communiste, qui ne veut pas de sociologue. Très, très. Il faut s'en rappeler, quand même. Le Parti communiste est contre la sociologie, science bourgeoise. Bon. Ce qui fait d'ailleurs que des gens, pour devenir sociologues, vont quitter le Parti communiste. Edgar Morin en est un des exemples. Et donc, il va de soi, dans ce moment-là, que faire de la sociologie, c'est défini par ceux qui font la sociologie, je crois, enfin, c'est toujours très difficile de savoir ce qu'on dit, mais est défini par les jeunes qui font de la sociologie, c'est une autre manière de faire de la politique. Au fond, les sociologues sont des gens qui veulent faire de la politique autrement parce que l'offre politique ne va pas. Voilà. Je raconte, moi, je veux dire, vous êtes à gauche, vous avez le choix entre être social-démocrate, SFIO, complice de la guerre d'Algérie, ou être stalinien, c'est-à-dire quand même... complice d'un certain nombre de choses désagréables que vous n'êtes pas obligé de ne pas voir, donc vous dites ben, je vais faire autre chose. Voilà, je vais faire de la sociologie. Et il y a, à mon avis, à ce moment-là, trois grandes manières de définir cet engagement. Je crois qu'il y a toujours un pôle savant, c'est-à-dire personne ne conteste l'idée, j'y reviendrai, qu'il y a un pôle savant, c'est-à-dire qu'il faut faire des recherches de bonne qualité, sérieuses, avec des canons professionnels. Bon. Bon. Mais il y a la première manière, me semble-t-il, qui a dominé les années 70, qui est la manière critique. Je vais dévoiler la domination. Les grandes figures, évidemment, c'est d'un côté Foucault, de l'autre Althusser, pour dire les choses comme ça, qui sont des figures de dévoilement très très différentes, mais qui consiste à dire la sociologie va vous démontrer que derrière l'évidence des choses, y a de la domination, et au fond, il y a de la domination à cette époque-là. Ce n'est pas la domination aujourd'hui qui nous intéresse, qui est la domination textuelle des catégories de genre, de race, etc., etc. C'est le capitalisme pur et dur. Et tous les livres s'appellent, les livres qu'on ne lit plus du tout, s'appellent Capitalisme et ville, l'école capitaliste en France, Capitalisme et travail social. Voilà, on est comme ça. Ce qui n'enlève rien à la qualité scientifique des travaux, je veux dire, ça n'a rien, c'est une autre question, mais ça, c'est une première manière, avec évidemment des méthodes objectivantes, puisque en général, les acteurs, c'est pas eux qui parlent, c'est la domination qui parle à travers eux. Donc, c'est pas la peine de les interroger, ces acteurs-là. On fait des statistiques, on fait des analyses de textes. On va pas se donner le ridicule de prendre son petit magnétophone pour demander aux ouvriers ce qu'ils pensent, parce que de toute façon, soit ils pensent pas, soit ils pensent ce que le système pense pour eux. D'ailleurs, c'est pour ça, moi j'avais fait une grosse enquête sur le mouvement ouvrier, que la CGT de l'époque disait c'est pas la peine de demander aux ouvriers ce qu'ils pensent, puisque soit ils pensent bien comme nous, ça on va vous le dire mieux, soit ils pensent des conneries, donc c'est pas la peine. Voilà. Ça peut vous paraître extrêmement étrange, mais c'était comme ça. Voilà. C'était l'époque où il fallait demander l'autorisation pour aller faire des enquêtes. Hein. La deuxième manière, c'était les gens qui étaient issus, je dirais, du projet planiste, rationalisateur, haut fonctionnaire des années 50-60, dont la grande figure qu'on oublie beaucoup ces temps-ci, c'était Crozier. Les gens qui disent la sociologie, c'est bon pour développer la décision rationnelle. On prend des décisions irrationnelles parce qu'on ne sait pas. Au fond, comment marche la vie sociale, et la sociologie doit être au service de la rationalité de l'action, de la rationalité de la décision. Et il y a énormément de. Si vous voulez, le grand livre de l'époque, c'était L'acteur et le système, qui reprenait des traditions intellectuelles américaines. Et le mode d'engagement, c'était celui-là. C'était de dire. Alors, ces gens, il faut quand même savoir qu'ils travaillaient avec les dirigeants, ils travaillaient aussi avec les syndicats. Je veux dire, c'était pas. Le monde n'est pas aussi simple qu'on le suppose, souvent, mais l'idée d'engagement, c'était celle-là. C'était celle-là. Et ces gens ont d'ailleurs beaucoup regretté, quelquefois, il m'arrive de le regretter avec eux, que la sociologie ne se soit pas du tout intéressée au management. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une situation tout à fait étrange en France, où la formation des managers, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, personnellement, pas trop. Se fait totalement indépendamment de la sociologie qui a pas voulu aller s'occuper de cette chose un peu sordide. Et si on avait des managers moins bêtes, ça serait peut-être pas plus mal. Mais enfin, bon, vous aviez cette tendance. Je vais faire de la politique autrement. Et la troisième manière qu'il y avait à l'époque de faire de la politique autrement, c'était la manière dans laquelle moi je m'étais plutôt retrouvé, c'était de dire il faut travailler avec les acteurs. Au fond, la société, c'est des acteurs. Il y avait un climat. Là aussi, il y avait un climat. La société, c'est des acteurs, c'est des mouvements sociaux, c'est des mouvements sociaux, c'est des syndicalistes, c'est des mouvements de femmes, c'est des mouvements écolos. Et donc, il faut, on va employer un langage qui est complètement désuet, il faut élever le niveau de conscience des acteurs sur eux-mêmes. Voilà. Il faut faire de l'intervention sociologique, il faut faire de la sociologie clinique, il faut. Quelqu'un que nous lisions beaucoup à l'époque, c'était Saul Alinsky, qui revient d'ailleurs à la mode, ce dont je me réjouis, qui disait, voilà, les sciences sociales, ça doit agir directement sur le monde. Voilà. Ces trois grandes tendances, alors il y a toujours eu un monde académique, je le signale, il y a toujours eu dans l'univers professionnel des conservateurs de musées. Bon, il en faut, hein. C'est-à-dire des gens qui font des dissertations sur Durkheim, des dissertations sur Weber, qui gardent le musée, bon, il en faut. Mais voilà, l'engagement, je crois, était dominé par ces trois figures. Je crois qu'aujourd'hui, ces figures ne sont plus les mêmes. La sociologie critique est beaucoup moins. Radicale, si je peux me permettre, qu'elle pouvait être à cette époque, avec un horizon un peu léniniste de vision du monde. La confiance dans l'action rationnelle est quand même beaucoup plus faible, et surtout les économistes ont raflé le marché. très très important. L'idée de travailler avec les acteurs s'est plutôt développée, mais peut-être dans une sensibilité beaucoup plus micro-sociologique qu'elle ne l'était à l'époque. Donc, moi, si j'en juge par mes étudiants, ils ont beaucoup plus des préoccupations morales que des préoccupations politiques. Je vois mes étudiants, je les aime bien, pendant 20 ans, j'ai eu le maoïste, le communiste, le trotskiste qui m'interrompait régulièrement parce que je n'étais pas dans la ligne. Aujourd'hui, j'ai plutôt des gens qui me disent mais monsieur, la stigmatisation, c'est très très mal. Le racisme, c'est très très mal. Le sexisme, c'est très très mal. Ce qui est pas ridicule du tout. Mais le rapport au monde est beaucoup plus moral, si je peux me permettre, que politique. Bon, on pourrait discuter là-dessus. Mais je crois que la sociologie doit s'historiciser elle-même de ce point de vue-là. Il n'y a aucune raison que les figures de l'engagement restent ce qu'elles étaient, que ça soit pour l'éternité, ce jeu-là. Les gens se transforment. Si on prend d'ailleurs l'itinéraire de Bourdieu, c'est très intéressant. Il se tient très très loin de la politique dans les années 70, etc. La seule fois qu'il s'y intéresse au début, c'est pour faire une sorte de plaisanterie de quasi mauvais goût en soutenant Coluche. Puis ensuite, il se sartrise. D'une certaine façon, à partir de la grève de 95. Donc, voilà, il faudrait faire des histoires, et je crois que je ne suis pas en mesure d'en faire, ça m'intéresse, que je ferai ça quand je serai encore plus vieux, mais pour le moment, je crois que les choses bougent beaucoup là-dessus. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il y a toujours eu un fond de sociologie qu'on ignore et qu'on méprise. Il y a quelque chose d'aristocratique. Dans notre monde, qui est de considérer que la sociologie, ça se regarde par le haut. Les grands personnages, les grands auteurs, les grands labos, voilà. Mais il faut rappeler que y a un tas de sociologues qui vivent en faisant de l'expertise. Y a beaucoup de sociologues, moi, tous mes étudiants ne deviennent pas maîtres de conférences ou chargés de recherche au CNRS, mais ils ne meurent pas de faim. Mais ils font de la sociologie. Les uns sont à la CNAF, les autres sont au Conseil général, les autres sont au Conseil régional, les autres sont dans une ONG, les autres sont devenus formateurs de travailleurs sociaux, etc., etc. Je veux dire, les autres font des bureaux d'études. Je peux vous dire que c'est pas des capitalistes sauvages. Ils auraient préféré être un peu au chaud, dans des institutions. Je crois aussi qu'il faudrait qu'on s'intéresse à cette utilité-là de la sociologie, qui est quand même quelque chose qui est étrange dans notre manière de raisonner. C'est comme si on jugeait de la pratique du foot, pour faire hommage à Stéphane Beau, uniquement à travers Barcelone, Madrid, je laisse le Paris Saint-Germain qui est trop mauvais de côté, mais vous voyez, Arsenal. Alors que la pratique du foot, c'est des millions de types qui jouent comme des cochons sur des champs de patates. Voilà. Mais c'est eux qui font du foot. Ce n'est pas que cette image-là. Donc je crois qu'il y a quelque chose là-dessus. Il faudrait en particulier réfléchir au mode d'engagement de ces gens-là. Où là, le rapport au commanditaire est extrêmement fort. Nous, on se la joue sur le rapport au commanditaire. Une fois que vous avez l'argent de l'ANR... Je ne connais pas beaucoup de gens qui disent l'ANR exige que je trouve ce résultat. Il faut quand même pas. On se fait des émotions. Bon, c'est pas vrai. Bon. En revanche, moi, j'aimerais bien savoir comment ça se passe avec un conseil général qui vous dit, moi, tu m'excuses, j'ai besoin que tu montres que le RSA est efficace, j'ai besoin que tu montres, etc., etc. Et là, il faudrait qu'on s'y intéresse, je pense, beaucoup plus pour parler de l'engagement des sociologues. À un niveau peut-être moins épistémologique, mais plus sociologique. Je veux dire, à quoi ça sert vraiment la sociologie, et pas à quoi ça sert uniquement dans un dialogue entre Weber et Durkheim, qui ne se sont d'ailleurs jamais parlé. Donc ça, c'est le premier point que je voulais développer. Moi, je crois, deuxième point, que l'engagement... Je pense que l'engagement, c'est fondamentalement une affaire de méthode. Ce qui nous engage, ce n'est pas nos idées. Les idées, ça coûte rien. Quand on est dans une société comme la nôtre, grosso modo, on n'est pas emprisonné pour ses idées. Il ne faut quand même pas exagérer. Et même, on peut faire de très très belles carrières. Même les plus belles carrières se font dans la critique. Il y a un personnage que j'aime beaucoup, c'est Michel Onfray, qu'on invite en permanence pour dire que le monde est abominable et qui prend le chèque en sortant. Parce qu'il faut pas être dupe quand même de notre rapport à la critique. On vit dans une société qui n'exclut pas la critique et qui, au contraire, adore ce rapport réflexif à lui-même. Chose sur laquelle je n'ironise pas, mais je veux dire, c'est pas de ce côté-là, à mon avis, qu'on va probablement trouver des choses sur à quoi sert la sociologie, comment ça fonctionne, quel est le mode d'engagement. Je crois que le mode d'engagement, il est dans les méthodes. Parce que c'est la méthode qui donne un statut à l'objet qu'on étudie. Et comme l'objet qu'on étudie, c'est nous, voilà. Alors, je voudrais dire que sur le plan, moi, des méthodes, je suis d'un libéralisme absolu. Toutes les méthodes me vont. Je veux dire, enfin, dès lors qu'elles sont bien appliquées, moi, je n'ai pas de problème sur les méthodes. Le seul problème qu'on peut poser aux méthodes, c'est qu'est-ce que votre méthode vous autorise à dire ? C'est ça la question. C'est pas est-ce que votre méthode est bonne ou pas bonne ? Qu'est-ce que la méthode statistique m'autorise à dire sur ce que j'étudie ? Qu'est-ce que la méthode des entretiens m'autorise à dire sur ce que j'étudie ? Qu'est-ce que le questionnaire m'autorise à dire ? Qu'est-ce que le sondage d'opinion m'autorise à dire ? Et la faute professionnelle, c'est de faire dire aux faits méthodologiques qu'on a construits ce que ces pauvres faits ne pourraient pas dire si on ne leur forçait pas un petit peu la main. Voilà. Alors, bon, moi, d'un mot... j'ai pensé que la méthode que je pouvais utiliser pour étudier ce qui m'intéresse, c'était de voir comment les gens construisaient le monde social dans leur expérience. Voilà, pour dire les choses simplement, c'est des choses que j'ai faites d'abord de manière très militante avec Alain Touraine pendant une période portée par l'optimisme du changement. Puis je suis allé voir des gamins de banlieue. Mais moi, j'ai fait une chose très étrange quand j'étudiais la galère. J'ai fait des groupes de jeunes qui se sont réunis pendant 25 ou 30 heures pour discuter avec des flics, avec des profs, avec des travailleurs sociaux, etc. etc., etc. Donc, entretien très particulier. L'idée, c'est que, au fond, il faut mettre l'acteur, il faut mettre les gens dans la situation... la plus forte possible d'auto-interprétation de ce qui leur arrive. Voilà, c'est ça, au fond, la méthode qui me paraît à peu près toujours la bonne. Donc, je fais des entretiens, mais je fais des entretiens qui ne sont pas des entretiens dont l'objectif est de dire « j'aimerais que vous témoigniez de ce qui vous arrive ». Ce sont des entretiens dont je voudrais... L'idéal, c'est de dire, racontez-moi ce qui vous arrive et racontez-moi comment vous interprétez ce qui vous arrive. C'est-à-dire, devenez philosophe, devenez intellectuel. Moi, c'est peut-être un effet de l'origine sociale. Moi, je suis persuadé que personne n'est con. Voilà. Vraiment, je le dis très, très... Si un interlocuteur est idiot, c'est parce que le sociologue n'a pas fait son boulot. Et quand je lis des entretiens faits par les étudiants, je veux dire, je comprends très bien pourquoi les gens sont idiots dans l'entretien, puisque on les traite comme des idiots, d'une certaine manière. Je donnerai des exemples. Par exemple, moi j'ai fait un travail il y a quelques années sur les injustices au travail. J'ai consacré très peu de part de l'entretien à demander aux gens « qu'est-ce que vous trouvez injuste ?» Au fond, ça ne m'intéressait pas tellement de savoir ce que les gens trouvent injuste. Ça m'intéresse parce que, bon, écoutez, on sait ce qu'ils trouvent injuste. Mal payé, etc. Voilà. On préfère mon collègue à moi, etc. Moi, ce qui m'intéressait, et la question que je leur posais, et qui excitait beaucoup les gens, c'était, mais pourquoi ce que vous trouvez injuste est injuste ? Réfléchissez à la question que tout enfant est capable de se poser à partir de l'âge de 6 ans, si on en croit Piaget, c'est-à-dire, êtes-vous... Et tout le monde est capable de vous dire, c'est injuste parce que J'ai une théorie de la justice dans la tête. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est pas la... Je veux dire que ce qui m'intéresse, moi, c'est de mettre les gens dans cette situation, de dire, bon, vous le dites. Voilà, vous dites que c'est injuste, alors pourquoi c'est injuste? Vous dites, c'est injuste, mon patron ne me salue pas. Et pourquoi c'est injuste qu'il ne vous salue pas? Pourquoi c'est injuste? En quoi c'est... Bon. Alors les gens vous disent c'est injuste parce que nous sommes tous des êtres humains et le fait que nous soyons socialement inégaux fait qu'en tant qu'êtres humains, nous devons être respectés de manière équivalente et les gens vous font du honnête bof, dans le texte. Bon, enfin, ça suppose, personne n'a lu honnête, je vous signale, des gens qu'on interroge. Quand je travaillais sur les lycéens, je leur posais une question toute bête. Pourquoi vous allez à l'école? Alors c'est une question qui a l'air toute bête, comme ça, mais vous si vous avez des enfants, pas encore, vous êtes trop jeune, scolaire, pour faire vous dire, c'est une question qui se pose lourdement tous les matins. C'est comment je vais arriver à me motiver suffisamment pour aller à l'école. Et vous vous rendez compte, d'ailleurs, que vous n'êtes pas du tout dans des théories du fonctionnement automatique. C'est-à-dire que les gamins passent leur temps à produire des justifications pour aller à l'école. Alors, il y en a qui vous disent, oh, moi, j'ai un habitus. Alors, vous ne dites pas, j'ai un habitus. Mais ils vous le disent, en fait. Ils vous disent, moi, je suis dans un milieu où la question ne se pose pas trop. Bon, généralement, à partir de 14 ans, même dans ces milieux, la question se pose. Ça ne suffit plus, l'habitus, pour vous faire lever le matin. Voilà. Donc, l'idée, si vous voulez, c'est que si vous... L'idée de l'engagement, au fond... que moi j'ai choisi, mais ça n'a pas plus d'intérêt que l'intérêt anecdotique de dire que moi c'est ce que j'ai choisi, c'est de dire voilà, on fait de la sociologie comme ça. Voilà. Et l'engagement que je prends, c'est pas un engagement que je prends à l'égard d'une cause, c'est l'engagement que je prends à l'égard des gens que je rencontre, de leur dire, je vais essayer de rendre compte de la manière dont vous êtes un sujet, dont vous êtes un acteur, pas dont vous êtes un témoin de la vie sociale. À partir de là, j'ai un problème. J'ai deux problèmes qui se posent. Le premier, c'est que, évidemment, je ne fais pas l'économie d'interpréter ce qu'ils disent. Autrement, je serais un magnétophone. Je vais donc interpréter ce qu'ils disent. Et le premier impératif, c'est évidemment de leur restituer cette interprétation. Je n'aime pas, ça m'est égal, mais il faut le dire. Je suis toujours agacé quand le sociologue interroge la personne, rentre chez lui, écrit sur la personne, ciao, et vous explique, c'est moi qui l'ai le mieux compris. Mais si tu veux savoir si tu l'as compris, tu vas, t'as qu'à aller lui dire ce que tu écris. J'ai été interviewé, moi, par des sociologues, c'est détestable. C'est une expérience que je n'accepterai plus jamais d'être interviewé par un sociologue. C'est abominable. C'est une expérience de Stasi. Hein, c'est-à-dire... Vous donnez vos... Le type rentre chez lui et dit Dubé, sa carrière, son habitus, ses machins, ses intérêts. T'as pas la peine de m'interviewer, puisque tu as déjà les réponses. Et d'ailleurs, dans la méthode que j'utilise, j'étais à une époque très radicale, je ne demandais pas aux gens que j'interrogeais d'informations biographiques sur eux-mêmes. Parce que je sais que quand j'ai une information biographique sur la personne que j'étudie, j'établis des sortes de causalités spontanées. Au fond, ce gamin échoue à l'école, si je sais que ses parents sont divorcés, etc., j'ai déjà, au fond, je n'écoute plus ce qu'il me raconte, puisque j'ai déjà le code. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, d'une certaine façon, il faudrait qu'on se mette dans une relation où, à la limite, on s'oblige à ne pas savoir, parce que dès que l'on a des informations biographiques, on a un réflexe de romancier. C'est-à-dire que c'est l'histoire de la personne qui explique ce qu'elle fait. Voilà. Et les gens adorent ça. Et moi, j'adore ça. Et les gens avec lesquels vous avez fait votre livre, ils adorent ça. Ils racontent leur histoire en disant « c'est à cause de mon histoire, je suis là ». On n'en sait rien. Il est probable que dans la réalité, si je suis là où je suis, c'est par une série de hasards, de circonstances que je n'ai absolument pas maîtrisées, de choses, etc. Mais comme il faut que je reconstruise une cohérence de mon parcours, vogue la galère, j'appelle ça auto-analyse, ce qui est de l'auto-fiction, dans de très, très grandes proportions. Donc, j'étais très radical à une époque, je disais aux gens, je ne veux même pas savoir. Par exemple, quand je travaillais sur les gamins de banlieue, je ne voulais pas savoir s'ils étaient dealers ou pas. En réalité, je suis un peu hypocrite, je savais. Bon. Mais je préférais pas connaître leur casier judiciaire. Quand je travaillais sur les lycéens, et ça je le faisais, je voulais ignorer leurs résultats scolaires. Car dès que vous avez les résultats scolaires d'un élève, toc, votre guide d'interprétation fonctionne. C'est fini. Le type est plus mis dans cette situation. Donc, moi, je vais raconter aux gens, le plus possible, ce que j'ai écrit sur eux. Par exemple, là, j'ai terminé un gros chapitre d'un livre que je consacre à la question de la lutte contre les discriminations, et j'ai travaillé pendant plusieurs semaines avec un groupe de Boulevard des Potes, qui est une émanation de SOS Racisme, etc. Bon. Et j'organisais des rencontres entre ce groupe et puis des gens, des chefs d'entreprise, et puis des gens, des indigènes de la République, où ça chauffe quand même très très dur, etc. Donc j'ai créé un chapitre sur eux. Mercredi prochain, c'est-à-dire que je suis un peu inquiet, comme toujours, je rencontre ce groupe et je vais leur dire « voilà ce que je vais écrire sur vous ». Ça pose un problème. C'est un, je m'oblige à écrire dans une langue qui est pas la langue de ma tribu, mais qui est la langue courante. Je pense d'ailleurs que la plupart du temps, la valeur ajoutée de notre propre vocabulaire sociologique est purement distinctive. Je veux dire, intellectuellement, elle apporte très peu de choses. Je pourrais y revenir. Bon. Et puis, mais je comprends, puisqu'il y a ici des thésards, qu'il faut en faire des tonnes pour montrer qu'on appartient au milieu, mais après, on est moins obligé de faire ça. De dire réflexivité, enfin, c'est quand même... Pardonnez-moi, mais enfin, je veux dire, c'est employer un mot extrêmement... compliqué pour dire oui, je me demande, il m'arrive de me demander quand même ce que je fais. Bon. Vous écrivez ça, les gens comprennent à peu près ce que vous avez voulu dire. Bon. Donc, je vais faire ça. Alors, la question que je me pose, est-ce qu'ils sont d'accord? S'ils sont d'accord, ça prouve rien. Ça prouve que je les ai séduits. Bon. S'ils sont en désaccord, ça prouve rien non plus. Mais l'engagement, ça consiste à dire je vais tenir compte dans le compte-rendu que je ferai, de votre accord et de votre désaccord. Et en tout cas, je prends l'engagement que s'il y a un désaccord, le désaccord sera dans le livre. Et quelquefois, on a des débats entre chercheurs. Je prends un exemple où là, il y a des histoires quand même d'origine sociale. Je faisais un travail donc, sur les injustices au travail, et je me rendais compte que les gens qui avaient des travaux que, a priori, je trouvais pénibles et peu valorisés, caissières, disaient tous... ce que montrent aussi des enquêtes par questionnaire que fait l'INSEE ou qu'a fait Baudelot et Golac, etc., que ces gens disent « j'aime bien mon boulot, mon boulot m'intéresse ». Et je travaillais avec des jeunes chercheurs, qui étaient tous maîtres de conf, qui avaient 25 ans de moins que moi, et qui disaient « bon, ils se racontent des blagues, ils rationalisent ». Et là, l'origine sociale, ça compte. Parce que moi, je suis d'un milieu où je sais que ça ne rationalise pas, et qu'on trouve de l'intérêt à son travail, et que c'est vraiment du mépris de classe a priori, évidemment, mépris de classe rempli de compassion pour le pauvre prolétaire, disant il nous fait croire que ça l'intéresse. En fait, il rêve d'être maître de compte de sociaux, qui est l'expérience humaine la plus aboutie, comme chacun le sait. Bon. Donc, on peut avoir des débats, mais je crois que ces débats, il faut les restituer. Alors, qu'est-ce que c'est que l'objectivité là-dedans? Moi, je pense, et là-dessus, je suis weberien. Je pense que l'objectivité, ce n'est pas le rapport aux valeurs. Je travaille actuellement, je fais un livre sur la discrimination. Je vais me sentir obligé d'écrire une page dans l'introduction pour dire « je voulais vous dire que je suis contre la discrimination ». Mon rapport aux valeurs est extrêmement ferme là-dessus. Je suis contre. Bon, d'une part, il me semble que ça va de soi. Et puis après, comment je tiens 400 pages ? Je ne vais pas rajouter à chaque phrase où je décris discrimination à quel point c'est horrible, c'est affreux, c'est insupportable et monter en indignation. Je veux dire, ce n'est pas ça l'engagement. L'engagement, c'est quel rapport je construis avec les gens que j'interroge, donc je viens d'en parler. Et puis, je crois que c'est le problème de la... Je dirais que moi, je suis un peu embêté avec le livre de Passeron, que j'aime bien par ailleurs. Moi, je suis un peu plus popérien que Passeron. enfin passeront les plus qu'il ne le dit lui-même. C'est-à-dire que je crois qu'il faut produire des faits. La scientificité, ce n'est pas la neutralité axiologique. La scientificité, c'est de produire des faits qui résistent à vos analyses. Voilà. Il faut qu'on produise des faits suffisamment forts pour que ces faits puissent éventuellement démontrer que vous avez tort. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Alors, évidemment, on n'est pas dans un laboratoire. On ne va pas reproduire à l'infini les mêmes expériences avec des expérimentateurs différents pour bien s'assurer, etc. Mais quand même, on sait tous que les bonnes recherches sont les recherches qui produisent des faits robustes. Voilà. Et qu'on ferait mieux de reconstruire notre monde professionnel qui ne me paraît pas en excellente santé, si je peux me permettre, comme système collectif. Autour de quelques principes solides comme cela, le bon travail, c'est le travail qui s'appuie sur des faits qui résistent à l'interprétation du chercheur. Alors qu'il me semble que la question de l'engagement comme attitude morale du chercheur est au fond une question qui est déjà réglée, puisque oui, le fait que nous nous étudions nous-mêmes le propose. La troisième remarque que je voudrais faire, c'est que je crois qu'on pourrait s'appliquer une règle déontologique. C'est que je crois que le chercheur doit interpréter les conduites des autres dans des catégories qu'il s'applique à lui-même. Je suis extrêmement choqué, je le dis vraiment, je suis très choqué quand je lis des livres où le sociologue applique aux gens des catégories d'analyse qui ne s'appliqueraient jamais en aucune condition à lui-même. Du style, les gens sont cyniques et rationnels. Pas moi. Ça va de soi. Les gens sont des imbéciles qui reproduisent le programme culturel qu'ils ont dans la tête. Pas moi. Ça va de soi. D'ailleurs, c'est parce que je ne le fais pas moi que je peux dire que les autres le font. Je crois qu'il y a quelque chose qui n'est pas qu'une règle morale, qui est une règle de vraisemblance épistémologique, c'est-à-dire que j'accepte pleinement que je participe de la même espèce que ceux que j'étudie. Et donc, la théorie que je produis pour les autres, il faut que je puisse me l'appliquer à moi-même. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Et ce n'est pas toujours le cas. En particulier, quand on a des théories de la domination absolue, les autres sont des imbéciles. Et je me dis toujours, mais à partir de quel niveau d'étude est-ce que j'échappe à cet aveuglement que je postule chez les autres? C'est un grand problème, d'ailleurs, quand vous enseignez aux étudiants. Quand vous enseignez aux étudiants des théories de la domination absolue, ils vous croient alors que vous êtes dans un rapport de domination pour leur enseigner. Avec des trucs bien connus. C'est-à-dire que s'ils vous croient, ça prouve que votre théorie est vraie. S'ils ne vous croient pas, ça prouve qu'elle est vraie, parce que leur refus d'y croire démontre à quel point ils sont dominés. On fait des progrès. Donc, je crois qu'on pourrait définir aussi une forme d'engagement moral, subjectif, non pas dans « je suis contre la discrimination, ça va de soi, je suis pour l'égalité plutôt que contre l'inégalité, ça va de soi mais de dire je me soumets ou je soumets les autres à des modèles auxquels je suis disposé à me soumettre moi-même. Voilà. Et je crois qu'on ferait des grands progrès d'interprétation si on faisait ça. Dernier point, et puis je m'arrête. Dernier point, je crois que la question à quoi sert la sociologie, c'est aussi la question, qu'est-ce que la société, c'est une question que vous n'avez pas traitée, que moi je n'ai jamais traitée non plus, mais pour savoir à quoi sert la sociologie, je crois qu'il ne faut pas tellement s'intéresser aux intentions des sociologues. Il faut s'intéresser à ce que la société, pour parler comme ça, fait des travaux des sociologues. Et là, il faudrait que l'on abandonne un peu une sorte de romantisme créateur, disant ce que la société va faire de mon travail dépend de l'intentionnalité que j'y mets. Hein? Un peu comme un artiste qui dit ce que les gens vont aimer dans ma peinture, c'est ce que j'ai voulu y mettre. Moi, je ne suis pas du tout certain que ça se passe comme ça. J'ai le sentiment que le travail que produisent les sociologues, pour l'essentiel, entre dans des usages sociaux qui ne sont pas visé par le sociologue. Ou en tout cas, qui ne dépendent pas de ce que le sociologue y met. Par exemple, je laisse de côté les productions savantes, qui sont des productions dont l'impact social est interne au milieu professionnel, c'est-à-dire qu'on écrit dans des revues dont l'objectif est simplement de marquer notre position dans un milieu professionnel. Ces revues, personne ne les lit. Enfin, je ne peux pas le dire, mais vous écrivez un article dans la revue française Sociologie, c'est magnifique, c'est bien, vos chances d'avoir un poste sont élevées, de gagner un point, etc., sont très élevées. L'article aura 200 lecteurs, dans le meilleur des cas. Donc l'impact, il est très important, mais du point de vue de la familiale, j'ai envie de dire, interne. Voilà. Bon. Après, qu'est-ce qui se passe? Moi, je crois que ce qui se passe après relève d'une logique de la demande sur laquelle les sociologues ont très peu de maîtrise. Par exemple, il y a un très bel article de Masson dans la revue française Sociologie, justement, sur pourquoi les héritiers ont un succès aussi extraordinaire. Je veux dire, quand Bourdieu et Passeron ont fait leur truc, ils n'imaginaient pas, ils n'ont pas fait pour ça, ils n'imaginaient probablement pas que ça se passerait comme ça. Pourquoi tel livre, prenez Les Pinsons Charlot, énorme succès de librairie, le talent des Pinsons Charlot est incontestable, peu importe. Je veux dire, il y a incontestablement une atmosphère balzacienne dans ce pays qui explique ça. Je veux dire qu'on pourrait faire la sociologie de la réception de la sociologie et aussi la sociologie de la médiation. C'est-à-dire que ce qui fait le succès d'un livre, c'est quand même que des médiateurs que l'on connaît tous, qui sont... Il y en a très peu de médiateurs. C'est Le Monde, Libé, Télérama, deux émissions de France Culture. C'est ça qui fait que votre livre existe ou n'existe pas. Je veux dire, c'est extrêmement simple. Je veux dire, si vous sortez du milieu. Et je peux vous dire, parce que j'ai écrit malheureusement beaucoup de livres depuis très longtemps, qu'alors ça, c'est une chose sur laquelle notre maîtrise est faiblissime. Faiblissime. Moi, je vais raconter une anecdote qui est tout à fait étonnante. Un jour, qu'un bon moment de ma vie, je ne le cache pas, un soir, je rentre chez moi, j'achète Le Monde et je vois un article en première page du Monde qui s'appelle « L'univers noir de la galère, un grand livre de sociologie, François Dubé ». Paf. Moi, je ne connaissais pas le type qui a fait cet article. Mais ça a changé ma vie. C'est-à-dire qu'ensuite, quand je vais voir un éditeur, il ne m'a pas demandé « Ah ouais, quand même, vous croyez qu'on va vous publier ?» Bon. Mais qu'est-ce que... Moi, je n'ai rien fait. Je veux dire, c'était la circonstance des émeutes, des machins. Il n'y avait pas d'événement ce jour-là. Il y aurait eu un match de foot, on ne parlait pas de moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, on est dans une situation où aujourd'hui, on ne maîtrise pas l'impact de la sociologie. Je crois que c'est un romantisme professionnel que de croire qu'on le maîtrise. Le à quoi sert la sociologie, je suis sûr qu'on le maîtrise pour l'essentiel, pas. Et ça nous pose un problème. Je m'arrête là. Parce qu'on devrait s'interroger sur notre organisation professionnelle. Je pense que le rôle des organisations professionnelles... Alors, je ne prêche pas du tout, je le dis tout de suite, pour des normes de classement, il y avait une histoire de charte professionnelle, je suis contre, un ordre professionnel, pourquoi on se deviendrait pétiniste à notre tour. Non, je ne suis pas du tout pour ça. Mais... si on se compare à d'autres disciplines, elles ont beaucoup plus de capacité de se maîtriser et donc de maîtriser leur rapport à leur environnement. C'est-à-dire, quand vous discutez avec des économistes, ils ne sont pas d'accord. Mais ils sont d'accord sur leur désaccord. Et ils sont d'accord sur le fait qu'il y a un mainstream. Et ils sont d'accord sur le fait qu'il y a un seuil à partir duquel vous n'êtes pas économiste, quelle que soit votre idéologie. Si vous ne savez pas faire une équation à deux inconnus, vous n'êtes pas économiste. Moi, j'ai des étudiants qui ne peuvent pas lire un tableau à quatre cases. Et vous aussi. Et qui disent, oh, moi, je préfère la sociologie qualitative parce que tu comprends. Bon. Voilà. Donc, on a quand même, je crois, un certain nombre de problèmes là-dessus sur lesquels on pourrait réfléchir, non pas pour définir notre utilité en termes de vocation, mais pour définir les conditions optimales de la réception de nos travaux quel qu'il soit, d'ailleurs, idéologiquement, par ailleurs, je veux dire, tout ça ensuite, notre discipline est parfaitement pluraliste et il est bon qu'elle le reste, ça ne me pose aucun problème. C'est pour ça que je considère que certains événements advenus à notre discipline ces dernières années sont extrêmement fâcheux. Je le précise. Comme dit l'autre, ceux qui comprennent, tant mieux, ceux qui ne comprennent pas quand je fais allusion, tant pis. Mais je veux dire, quand vous avez des modes comme ça de dérégulation absolue de la discipline, il faut appliquer à la sociologie, puisque je suis au printemps, la sociologie des professions. Il y a des professions qui disparaissent. Et aujourd'hui, je suis très frappé de voir, par exemple, comment l'économie est en train de se saisir des objets sociologiques avec une efficacité intellectuelle qu'on ne peut pas sous-estimer. Je suis un sociologue de l'éducation, en termes d'expertise. Bon, je vais dire les choses brutalement. La créativité en sociologie de l'éducation, depuis 15 ans, les idées nouvelles, elles viennent des économistes. Ce n'est pas vrai qu'elles viennent des sociologues, y compris moi, qui répètent indéfiniment leur truc. Ce n'est pas vrai. Ça vient des économistes. Nous avons une faiblesse professionnelle là-dessus. Si vous êtes historien, ce n'est pas une science, l'histoire, mais c'est une discipline. Il y a des conditions d'entrée dans la discipline qui font que si vous n'avez pas cette maîtrise technique particulière de lecture des textes et des archives, vous ne faites pas partie de la profession. Je crois qu'il faudrait y penser parce qu'on est menacé aujourd'hui par une sorte de dérive liée à notre massification, qui est celle de micro-objets sur lesquels chaque chercheur s'investit parce que c'est son régime de visibilité. Et on a un monde qui ne dialogue plus vraiment, qui perd une forme d'homogénéité, pas d'homogénéité, de vie intellectuelle, et qui peut d'une certaine manière rendre la sociologie inintéressante. Pas inintéressante pour les sociologues, évidemment, mais inintéressante pour ceux qui nous payent, qui d'une certaine façon, quand même, fabriquent des laboratoires, des facs, etc. Donc je crois qu'on devrait réfléchir plus. Ce n'est pas une opposition avec ce que vous avez fait, mais je crois que si j'avais, moi, me poser ces problèmes, je réfléchirais beaucoup plus sur les conditions matérielles, objectives, de production et de réception des travaux, que sur l'intentionnalité des chercheurs qui, au fond, je ne suis pas sûr, pèsent tant que ça dans la manière dont on travaille.